Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. L'amour est enfant de bohème. Carmen, ce prénom si célèbre qui vient bouleverser en 1875 les habitudes familiales du public parisien bien pensant. C'est Mérimée qui publie en 1847 une nouvelle intitulée Carmen. Nous y voilà. Pour les Français, depuis le XVIIe siècle, il n'y a plus de Pyrénées. La plus célèbre pièce de Corneille reste le Cid. On y lit toujours Don Quichotte, et la littérature picaresque espagnole a influencé le roman français du XVIIe, Scarron ou Sorel, comme du XVIIIe, Le Sage ou Marivaux. L'Espagne a été envahie par Napoléon pour y installer son frère Joseph, puis par Louis XVIII pour y rétablir le régime absolutiste. Chateaubriand, ensuite, qui publie en 1826 Les aventures du dernier des avant-serrages, récit de l'amour impossible d'un musulman et d'une chrétienne à Grenade, et les voyageurs se pressent d'aller visiter ce pays. Victor Hugo, enfin, avec Hernani, puis Ruy Blas, en a fait le pays des passions fortes. L'Espagne est à la mode. Enfin, Mérimée et son Carmen. Il n'y a pas que les écrivains, les musiciens y viennent aussi. Liszt pour une rhapsodie ou Lalo pour une symphonie espagnole, donnée peu avant la première de Carmen. Et les peintres Courbet, Bonnat, Carolus Duran ont admiré au Louvre Zurbarán et Ribera. Manet fera en 1865 le voyage de Madrid pour étudier Velázquez, le plus grand peintre qu'il n'y ait jamais eu. À la création de l'opéra, le livret des concerts. Un directeur de l'opéra comique avait mis en garde. Carmen, est-ce qu'elle n'est pas assassinée par son amant? Et ce milieu de voleurs, de bohémiennes, de cigarières, à l'opéra comique le théâtre des familles? Le théâtre des entrevues de mariage? Non, ne le faites pas mourir, je vous en prie. L'interprétation de Célestine Galimarié souligne la charge érotique du personnage et la critique se déchaîne. Messaline de bas étage, vouée aux ardeurs de la chair. Il faut dire qu'il y avait de quoi être surpris. Loin des héroïnes romantiques qui ne peuvent se réfugier que dans la folie ou dans la mort, Carmen est la première femme libre à l'opéra. Pas de bien ou de mal. Pas de carcan moral ou social. Elle se veut libre et elle l'assume. Elle mourra, certes, mais sans s'être pliée au désir des hommes et sans accepter un destin de victime. C'est elle qui dirige l'action. Pour Carmen, l'amour n'est pas une grâce particulière de la Providence. C'est une rencontre charnelle sans transcendance, sans obligation de durer pour l'éternité. Plus qu'une promesse de bonheur, l'amour est un danger. Faudra attendre Lulu d'Allemberg dans les années 30 pour retrouver une femme aussi libre. La musique n'est pas mieux reçue. Trop liée au drame, la musique de Bizet ne laisse pas de recul au spectateur. Sauf Théodore de Banville qui est sous le charme, Bizet a voulu montrer de vrais hommes et de vraies femmes éblouis, torturés par la passion, s'agitant au vent de la folie, et dont l'orchestre, devenu créateur et poète, nous raconterait les angoisses, les jalousies, les colères, les entraînements insensés. Bizet travaille. Il adapte sa partition jusqu'aux dernières répétitions. Guelemari réclame pour le premier acte une habanera, pour mieux incarner son rôle. Ce sera l'illustrissime « L'amour est enfant de bohème » avec son déhanché musical suggestif. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. Mais la gloire sera posthume car le compositeur meurt quelques semaines plus tard, les suites d'un bain glacé dans la Seine. La reconnaissance vient de l'étranger, puis en France où l'œuvre sera jouée près de 3000 fois à l'Opéra Comique. Un record. Et cette année, 2017, la mise en scène de Tchaniakov en fait l'événement du Festival d'Aix. Carmen, une figure de l'émancipation féminine, un être qui affirme ses droits et sa dignité, une femme moderne.